au début de notre ère, le bel Adam, notre grand-père. Mordis la pomme, juste pour te plaire. Mais qu'as-tu fait, chère grand-mère? Pour des milliers de tonnes de béton. Mais qu'as-tu pour des milliards de tonnes de cuffets, cher connard? L'horizon, chère grand-mère, nous fait perdre la raison. Déjà trop tard, fin de l'histoire. Pour des milliers de tonnes de béton. Pour des milliards de tonnes de connards. L'horizon nous fait perdre. Puis pour un la présence de confus. Déjà les grands, les trop tard. Fin, l'heure de l'histoire. Trésor. Se mettre à l'abri des châteaux forts. Creuse la terre et arrache l'or. Pour des milliers de tonnes de béton. Pour des milliards de tonnes de connards, l'horizon nous fait perdre la raison. Déjà trop tard, fin de l'histoire. Puis pour un peu plus de confort, les grands, les rois, leur se mettent à la brie des châteaux forts, creusent la terre et arrachent l'or. Pour des milliers de tonnes de béton, combien d'années depuis Cro-Magnon, combien d'épées on fait milliards de tonnes de connards de moissons. Combien d'armes et sons et qui fait perdre le chignon. Quelle drôle la reine, l'idée, raison. Déjà trop d'inventer le pognon. Pour fin de l'histoire. Des milliers de tonnes de béton. Pour des milliards de tonnes de connards. L'horizon nous fait perdre la raison. Déjà trop tard, fin de l'histoire.